truc de psychiatre. Un truc de psychopathe. Un monde de pied jusqu'au cerveau. Un truc de fou. Un truc de psycho. La situation, c'est la prison. The power of the Prends le temps mécanisme, son sein, simplement organe, comme mon organisme. Comme le tout, comme mon organisme, my big mama is watching me. Your big brother is watching you. Yeah, yeah, yeah, whoa! te rejoins, tu étais déjà. Seul.